lost his way. He's a rebel and he's fallen down. He's a fool, been blown away. To you and me, he's a renegade. He's a clown that we put down. He's a man, doesn't fit. He's a king, but not in this town. To you and me, he's a renegade. But he is a king when he's on his own. He's got a mate, oh, that's so strong. And when he writes, he's like the wind. To you and me, he's a renegade. Check it out, check his face, look in his eyes, they're so sly. I wonder why he cries on the inside. I wonder why, is he a renegade? Oh please, I'm on my begging bended knees. Just a boy that has lost his way. He's just a boy, that's all. We'll be right back. Griffin. h 12 sur le 95 FM, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno, comme tous les dimanches de 15 à 17h sur le www.rqc.be ou sur également le 95 FM. Rock the Nations, c'est 2 heures de hard rock, de classique metal, Le focus cette semaine est consacré au groupe allemand Creator et aux années que le groupe a passées sur le label berlinois Noise. Et on n'oublie pas non plus, bien sûr, l'album du mois qui n'est autre que le fantastique album de Voivode, les Québécois de Voivode, et l'album de 1993, The Outer Limits. Mais tout d'abord, on a commencé avec deux groupes, avec deux enregistrements live, puisque c'est sur les planches que ces groupes magnifient leur musique. Sinisi en 1983, l'album live posthume. L'album Life et une version fantastique absolument superbe de Renegade. Juste à l'instant, le premier album live de Rush paru en 1976. Cet album s'appelle All the World's a Stage et un morceau extrait de l'album Fly By Night, c'était Anthem. On part en 1987 avec le premier album solo de John Norum qui vient juste de quitter Europe à l'époque. L'album s'appelle Total Control et un morceau qui est sorti en single à cette époque, Back on the Streets. Bonne écoute. I know that. store today. You're coming home to stay. Wouldn't that be nice for a while? But now my takeout food is growing cold, and the candles burn a hole in the floor, and I'm still waiting for the rain to fall. Hey, all alone, it's another rainy night without you. Guess I leave the light on for you. It's just another rainy night without you. There's a foghorn blowing from the coast tonight. Remember making love in the rain. Strange how laughter looks like crying with no sound. Raindrops taste like tears without the pain. I'm not much without you. Can't leave if I wanted to. Maybe that's why you stay around. But tonight I sit here turning Reich en 1990 avec l'album Empire, le quatrième album du groupe de Seattle, et le morceau Never Rainy Night Without You. On part dans les super groupes à la star de Damn Yankees, hein, fin des années 80, début des années 90. C'était la mode des super groupes, et il y avait également Mr. Big, bien sûr, avec Paul Gilbert, ex-Racer X à la guitare, Billy Sheehan à la basse, qu'on ne présente plus. Pat Torpe, l'ex Impeliteri à la batterie, et bien sûr Eric Martin au chant. Deuxième album pour ce super groupe en 1991, Lean Into It, et une power ballade, Just Take My Heart. Thank you. many questions have no answers. I keep on searching for the reason why we went wrong. Where is our yesterday? You and I could use it right now. But if this is goodbye, I don't have the need for it anymore. morceau bien heavy que ce Hostile Youth Saigon Kick en 1992, leur deuxième album intitulé The Lizard, et c'était donc ce morceau Hostile Youth. Ce groupe a eu un succès éphémère quand même, ils ont eu un tube pour cet album, et MTV d'ailleurs les avait bien aidés en diffusant le clip de ce morceau Love Is On The Way, si vous vous souvenez. Allez, on durcit un peu le ton, on part dans un heavy quand même plus traditionnel, Sanctuary en 1990, là aussi de Seattle comme tout à l'heure avec Queensryche. L'album Into The Mirror Black, fantastique album, et le morceau d'ouverture Future Tense. We'll be right back. passe. Au revoir, le francophone qui s'achève. Vous apparaît agréable. Merci et bonne soirée. Mais à coup de pas, vous venez bien d'entendre Sanctuary à l'instant, mais il ne s'agissait certainement pas du titre d'ouverture du deuxième album Into the Mirror Black, mais plutôt du titre d'ouverture de leur tout premier album Refuge Denied, paru en 1987, produit par Dave Mustaine de Megadeth avec une pochette signée Ed Repka. Et donc ce morceau d'ouverture, eh bien, c'était Battle Angels, voilà pour Sanctuary. Là, pas de doute, on va bien s'écouter un petit Megadeth, un inédit issu des sessions de l'album Countdown to Extinction, un morceau que j'adore, que j'ai déjà diffusé sur l'antenne de Rock the Nations. Il s'agit du morceau Breakpoint. We'll be right back. Il est 15h45 sur le www.rqc.be, l'émission Rock the Nations sur le 95FM et jusque 17h avec un instant l'album du mois Voivode et l'album Via Outer Limits paru à l'été 1993 et le morceau d'ouverture Fix My Heart. Retrouvez un extrait de ce fantastique album dès la semaine prochaine en compagnie de Monsieur Axel Meux et Monsieur Axel Meux donc sera présent dans nos studios dimanche prochain à partir de 15h dans Rock the Nations pour une interview consacrée à son bébé, comme il le dit exactement. Son bébé, c'est son fanzine qui va bientôt sortir son numéro 4, le numéro 4 de Sounds Like Hell qui paraîtra d'ici quelques jours avec VR sans couverture. Et il y aura également le compte-rendu, le live report de Sabaton et Accept qui avait eu lieu au Splendid... splendide, pardon, autant pour moi, à l'aéronef de Lille. Il y a également au numéro de Sans Laquelle, Nightmare, les Sticky Boys, Headblaster ou encore The Lumberjack Feedback. Mais donc Axel sera présent dans nos studios la semaine prochaine pour nous parler un peu de ce numéro 4 et de ses divers projets, puisque c'est un homme qui est fort occupé, et donc on écoutera bien sûr ensemble de la très bonne musique. La très bonne musique comme celle des 5 membres de Black & Corvus avec l'album Nevermore, album que vous commencez à bien connaître dans Rock the Nations. On s'écoute le morceau Payback. In the quiet city of Hameln, lost in the heart of Germany, a bunch of rats moved in town, and people start to go crazy. Tell me to help you out, but I bite my will get rid of them. It's all because you had the crowd. This is the price for your freedom. I've set you free, and now it's time for my money. You got my stuff as it would be. Then I wait the end of the day to take these 100,000 children in the river with a gun to draw. We'll be right back. Yes, les Nausea Mission Control avec leur dernier EP en date, Désordre et Mépris, EP 5 titres, un beau packaging, hein, format CD avec une pochette cartonnée vinyle et le disque qui ressemble bien sûr à un vinyle, c'est vraiment bien fait. Et donc c'était le morceau Désordre et Mépris, je vous annonçais tout à l'heure, dimanche prochain le 12, eh bien Axel Meux de Sans Laquelle sera dans nos studios pour nous parler bien sûr de son zine, mais également de ses autres occupations, puisque c'est un homme très occupé. Et mois de mars chargé, hein, en invité chez Rock the Nations, puisque le dimanche suivant, le 19 mars prochain, eh bien les Noise Emission Control viendront nous parler de ce fameux P5 titre Désordre et Mépris. Voilà le rendez-vous qui est pris. Et on enchaîne avec Fuck Shit Up, qui eux seront présents dans les studios de Rock the Nations, eh bien la semaine après Noise Emission Control, donc le dimanche 26 mars prochain à partir de 15h. En interview, Fuck Shit Up, qui viennent d'enregistrer leur première démo, trois titres. Les influences sont assez variées, hein, de Rage Against the Machine à Pantera, en passant par Snot ou encore les fameux Downset. Et extrait de ce trois titres, on s'écoute le morceau d'ouverture, Let It Snow, c'est Fuck Shit Up, et ils seront le 26 mars prochain dans Rock the Nations à partir de 15h sur le www.rqc.be, qu'on se le dise. It seems to be stupid. I don't know why I do it, but I do it again. When it's all white silk satin, I just become crazy like a snowflake in a snow. Whatever the way I crack for a black wall, yeah. Oh, my dear, the very sight. Whatever the way I crack for the black wall, yeah. Let it snow. Resting in the tower in the lesson. Fire after me was burning. The miracle you. Meconium, les amis de Scratch Bulb, avec leur EP 5 titres, et donc c'était le deuxième titre de ce EP qui est sorti l'année dernière en ce qui concerne les Scratch Bulb. Allez, dans quelques minutes, c'est le focus consacré à Creator et ses années passées sur le label berlinois Noise. Mais tout d'abord, on repart avec les nouveautés du label Inferno Records, avec le quatuor féminin qui nous vient de Serbie, Jenner. Leur album vient de sortir, il s'appelle To Live Is To Suffer. Leurs influences sont somme toute classiques, hein, dans la tradition, la plus pure tradition, Iron Maiden, Judas Priest, Accept, Grim Reaper, mais également Anthrax, Overkill, Testament ou Even pour les choses plus méchantes. Extrait de cet album, To Live Is To Suffer, Jenner et le morceau Silent Killer. We'll be right back. Premier album pour ce quatuor féminin Jenner, l'album To Live Is To Suffer, elles nous viennent de Serbie et donc cet album vient de sortir sur le label Inferno et c'était le morceau Silent Killer. Il est grand temps pour nous de passer au focus consacré à Creator et ses années passées sur le label Noise. N'hésitez pas à me contacter sur la page Rock the Nations, l'intitulée Rock the Nations Radio Show, ou également mon profil perso sur Facebook, bien sûr, hein, Bruno Iron Alford. Iron Alford en un seul mot avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît. On va laisser parler la musique, on se retrouve d'ici une demi-heure. C'est le focus consacré à Creator qui commence avec un extrait de leur sixième album paru fin 92 et l'album s'appelle Renewal, le titre Renewal. Yeah.

16h38 sur le www.rqc.be, également le 95 FM sur les ondes, l'émission Rock the Nations, comme tous les dimanches, de 15 à 17h en compagnie de Bruno. À l'instant, c'était le focus consacré à Creator et à ses années passées au sein de l'écurie berlinoise Noise, avec bien sûr tout d'abord le morceau Renewal, extrait de l'album du même nom, sixième album du groupe paru à la toute fin d'année 1992. On a enchaîné avec deux titres interprétés par Ventor à la batterie et au chant, puisque à l'époque bien sûr le chant dans Creator était partagé entre Mille et Ventor, et c'était le morceau Endless Pain, extrait du premier album paru en 1985, enchaîné avec Death Is Your Saviors, extrait bien sûr du classique Pleasure to Kill sorti l'année suivante. Terrible Certainty est également représenté avec le morceau titre paru en 1987, suivi par l'excellent inédit, disponible sur le picture disc Behind the Mirror et également sur la compile Doomsday News numéro 1, c'est le morceau After the Attack, un excellent inédit qui n'aurait pas dépareillé sur Pleasure to Kill ou même Extreme Aggression. No Reason to Exist, et bien voilà, c'était justement un titre extrait de l'album Extreme Aggression paru au printemps 89 et enregistré aux États-Unis avec Randy Burns. Impossible to Cure est un titre qu'on peut retrouver sur le mini-LP Out of the Dark, Into Light, et sorti quelques mois avant la commercialisation d'Extreme Aggression. Et enfin, Coma of Souls, bien sûr, un de leurs tout meilleurs albums paru en 1990 et également enregistré aux États-Unis via Randy Burns. Voilà pour le focus consacré à Creator. On part au Québec avec Aggression ID et leur album Forgotten Skeleton. À savoir que c'est un album posthume, puisque enregistré en 1986 mais jamais commercialisé, et réédité en 2008 par le label Profusion. Aggression ID et le morceau Written by Torture. We'll be right back. mind. You have to fight for yourself. Close your eyes before you drift to satisfy their evil trick. You live on there with no control in what you will have. Rise to my torture! Crusher en 1993, le deuxième mini LP, mini CD, c'est selon Act 2 Undermine et le morceau In Your Face. On reste dans les grandes années du thrash death made in France. En 1992, le troisième album de Massacre, Signs of the Decline, premier groupe mondial dans un style aussi extrême, a signé sur une major compagnie, à savoir Vertigo. Et extrait de cet album, Defying Man's Creation. We'll be right back.

16h57 sur le 95 FM 3W.rqc.be, l'émission Rock the Nations avec Bruno, avec à l'instant les dernières sorties du label Great Dane, le deuxième album de Exocrine. Ils nous viennent d'Aquitaine, ils sont quatre, l'album s'appelle Ascension. Un album concept en trois chapitres et extrait du deuxième chapitre via Ascension. On s'est écouté le morceau Eternal Solitude. Il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec un nouvel extrait de l'album du mois, puisqu'il s'agit de Voivode et de The Outer Limits, et en compagnie de monsieur Axel Meux, qui viendra nous parler de son bébé Sounds Like Hell, qui va sortir son quatrième numéro, celui de mars-avril, avec Viars en couverture. Pour terminer l'émission en musique, je vous propose un deuxième morceau de Exocrine, double dose de Exocrine, avec cette fois-ci un extrait de leur premier album paru il y a 2 ans, Unreal Existence, et toujours sur le label Great Dane, extrait de cet album World in Fire. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Axel à partir de 15h, et prenez soin de vous, bonne semaine, et à très très bientôt. Ciao ciao.